Vendredi 26 avril 2013, vous écoutez La Vie en BD. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30, toujours dans ces forêts qu'on vous propose de manière hebdomadaire dans l'univers du 9e art. Et cette semaine, comme à l'habitude également, une émission bien remplie, bien chargée, riche en rencontres, en discussions et espérons-le également en découvertes. Alors notamment, on aura l'occasion de discuter de l'album Nevada, premier tome qui a été publié tout récemment du côté de Glénat. La couverture qui peut-être ne paye pas de mine, mais l'album, lui, qui est excellent et qui mérite largement le détour. Alors, ce sera un plaisir d'en parler avec l'un de ses scénaristes, Fabien Dreuil. Ce sera en deuxième partie d'émission. Je parlais de découverte également. Il y aura Anne-Marie Olivier qui sera de passage également en fin d'émission pour nous partager ses suggestions BD pour cette semaine. Aussi, on aura l'occasion de jaser bande dessinée, évidemment, mais avec Thomas-Louis Côté. Ce sera tout à l'heure. Et on va discuter dans quelques instants avec Jean-Jacques Rouget, BDiste bordelais qui est en résidence à Québec depuis 2 mois. Enfin, on l'a attrapé il y a quelques semaines au début de sa résidence et maintenant on l'attrape à quelques jours de son départ et question de dresser le bilan justement de cette résidence. Sinon, côté actualité, petite mention au passage et les félicitations également qui sont d'office autour de ça. Isabelle Arsenault, l'illustratrice, c'est la même qui vient de remporter avec sa comparse Fanny Britt le prix Réal Filion du Festival de la bande dessinée de Québec pour son livre Jane, le renard et moi. Elle a reçu encore une fois des honneurs. Cette fois-ci, le livre récompensé, c'est Virginia Woolf, écrit par Kyo MacLear, publié du côté de la Pastèque. Alors, elle a remporté pour cet ouvrage le prix IBI Canada Elizabeth McRazit-Kilver. Et d'ailleurs, en fait, mentionnons que l'ouvrage a été récompensé au fil des mois par plusieurs sources, plusieurs prix, et notamment lui avait valu aussi, je crois, un prix du côté du gouverneur général du Canada. On ferme cette petite parenthèse et on ouvre une immense, une grande parenthèse, puisqu'on a le plaisir d'avoir avec nous en studio Jean-Jacques Rouget. Bonjour. Bonjour Raymond. Alors, comme je disais il y a quelques instants, on t'attrape donc à la fin de ta résidence. C'est un peu l'image de notre dernière rencontre qui était au tout début. En fait, tu venais pratiquement de débarquer de l'avion et tu nous disais que tu étais de passage à Québec, entre autres, évidemment, autour d'un projet qui s'appelle Mapa Mundi. Donc, c'est ce qui t'a amené à demander cette résidence-là et ce qui t'a amené donc vers le travail ici à Québec. Donc, un projet, peut-être nous remettre un peu en contexte, qui est en lien avec l'idée de MapMonde. Exactement. En fait, je suis un amoureux invétéré du Moyen-Âge, notamment des enluminures, depuis une vingtaine d'années. Donc je travaille sur un projet, là ça fait à peu près 10 ans, que je développe donc à côté de mon travail de coloriste. On en avait parlé quand on s'était rencontré la première fois. Je suis avant tout coloriste de bande dessinée, j'ai fait 2 albums en tant qu'auteur, mais donc là c'est un nouveau projet en tant qu'auteur. Et comme j'avais très peu de temps pour travailler dessus, donc c'est vrai que c'était vraiment un problème pour avancer. Et là, par chance, j'ai eu cette résidence ici à Québec, donc j'ai pu pendant 2 mois m'immerger à nouveau vraiment dans ce projet, qui consiste en fait, comme tu le disais, donc sur les maps mondes qu'on appelait donc des maps mundi, qui représentaient, il y en a surtout beaucoup, les plus connus au 12e, 13e siècle, qui vont représenter le monde, mais le monde connu, c'est-à-dire simplement les 3 continents principaux que sont l'Asie, l'Europe et l'Afrique, évidemment. Avant Christophe Colomb, l'Amérique n'est pas connue, donc le Québec non plus. C'est un peu la face cachée de la Lune derrière ces assiettes, presque. Exactement, c'est pas un monde qui est vu plat, contrairement en effet où souvent on pense que le Moyen-Âge voyait le monde comme une assiette, mais justement il le voit vraiment comme un globe, mais simplement la représentation est tout à fait plate, et en même temps on a conscience qu'il y a un monde de l'autre côté, genre antipode, et qui on peut se retrouver. Et à travers tout ça, ce qui est intéressant aussi, c'est le métissage qu'il y a entre la vérité historique, si on peut dire, donc le monde dans lequel ils vivent, mais aussi le monde fantasmé qui entoure le monde dans lequel ils se trouvent. Exactement, parce qu'évidemment, il y a des voyageurs, mais à l'époque, on ne connaît pas tout du monde, déjà, même de ce monde connu qu'on représente, sans même parler des continents inconnus de l'autre côté de la Terre. Et donc, il y a une représentation qui est de plus en plus fantastique au fur et à mesure qu'on s'éloigne des pays d'Europe, où il y a à peu près des contours qu'on peut reconnaître. Et donc, après les villes, les contours de continents eux-mêmes, l'Afrique, par exemple, est représentée toute petite par rapport à l'Europe, où elle est pratiquement la même taille, des choses comme ça. Et puis, sur ces cartes, en plus d'un côté géographique, il va y avoir un côté historique, et même, pourrait dire, d'information. Parce que souvent, ces cartes aussi avaient tendance à aider les gens qui partaient, par exemple, en pèlerinage. Ça montrait vaguement un peu l'aspect du monde dans lequel ils allaient partir. Et donc, il y avait tout un côté historique, notamment l'histoire de la Bible, où on va représenter sur ces cartes l'Arche de Noé, la Tour de Babel, le paradis terrestre. Et donc, quand je suis tombé sur ces représentations, après à peu près 10 années à réfléchir à une histoire, j'arrivais pas à trouver vraiment, dans tout ce Moyen-Âge qui vraiment me plaisait, tous les 1000 ans de Moyen-Âge m'intéressaient, et je me heurtais à ce problème de représenter tout ce monde, et tout ce monde, surtout toute cette période. Et là, en découvrant ces cartes, j'ai découvert que je pouvais à la fois voyager dans ces cartes par l'espace et par le temps, et donc pouvoir vraiment m'amuser comme je le souhaitais. Et justement, ce qui est, j'imagine, aussi assez agréable dans le contexte d'une résidence comme ça, tu l'as dit, c'est qu'on peut se consacrer entièrement à explorer tout ça. Et explorer, je pense que le terme est de mise aussi dans la mesure où tu m'as montré un peu avant d'entrer en onde, justement, le travail que tu as commencé à faire. Et ça passe enfin un peu en deux temps. C'est la construction d'un monde de manière presque littérale, en fait. Donc, tu construis ce monde inspiré d'une certaine réalité fantasmée. Et parallèlement, ben, c'est à partir de ce monde-là que tu vas animer ton récit, qui va être un peu la construction et une visite de ce monde-là. Exactement, vraiment sur les 2 mois, en fait, ça a été vraiment mon principal travail par rapport au projet. Je n'ai pas abouti du tout de page encore, j'en suis, je pense, encore assez loin, mais par contre, j'ai vraiment construit mon monde en m'inspirant de ces maps-mondes que j'avais trouvées, en lisant beaucoup d'ouvrages qui racontaient aussi des périples de différents voyageurs à travers ce monde. Et donc, j'ai pioché des anecdotes à droite à gauche, des noms de villes existantes ou là aussi totalement fantasmées, ou alors une géographie vraiment approximative par rapport à notre monde réel. Et donc, je me suis amusé à construire mon monde à partir de ces différents mondes que le Moyen-Âge avait inventé, pour essayer de retrouver, on pourrait dire, un monde imaginaire, essayer de représenter concrètement l'imaginaire qui pouvait bercer les gens du Moyen-Âge. Et une invention donc au niveau géographique, mais une invention aussi au niveau stylistique. Exactement, je veux vraiment, comme je disais tout à l'heure, je suis vraiment un amoureux des enluminures, donc je veux vraiment aussi que dans la représentation, rester dans cette naïveté, dans cette représentation d'échelle où il n'y a pas du tout d'effet de perspective classique. On peut avoir un personnage au premier plan tout petit, et derrière lui, tout au loin derrière une montagne, un personnage bien plus grand, et pouvoir essayer de jouer même narrativement avec ça, pour que ça puisse passer comme quelque chose de logique, ce qui n'est pas encore évident. Je ne l'ai pas encore essayé, donc il faut que je le teste sur des pages pour voir si, pour un futur lecteur, après ça peut paraître plausible malgré tout, d'embarquer avec lui, avec moi, dans cet imaginaire. Et Jean-Jacques Rouget, quand on s'attaque justement à un projet comme ça, j'imagine que la résidence, en fait, t'a permis, tu le disais un peu au départ, mais j'aimerais qu'on détaille un peu, t'a vraiment permis de mettre de côté donc ton métier de coloriste, les considérations habituelles. Donc ça permet vraiment une espèce de parenthèse dans sa vie pour se consacrer corps et âme. Totalement, j'ai vraiment pas, pendant les 2 mois, j'ai absolument pas pensé couleur, si ce n'est pour mon projet un petit peu, j'ai fait des petites recherches, mais vraiment, vraiment pas du tout. Donc ça, c'est vrai que c'est une opportunité incroyable, et je sais que pour ce projet, si j'arrive à l'aboutir, je l'espère, évidemment que ces 2 mois à Québec auront été vraiment je pourrais dire la clé de voûte, si on parle justement Moyen-Âge, architecture, de ce projet. C'est l'idée de trouver, de se donner un moment pour trouver les amorces, puis débloquer, j'imagine, les éléments qui bloquaient peut-être, ou les défis. Bien sûr, c'est simplement une question de temps. En plus, moi, je suis quelqu'un d'assez lent dans le travail, donc j'ai vraiment besoin de me poser, de réfléchir. Et donc, quand j'étais coloriste, que je pouvais simplement bloquer une semaine, en une semaine, je pouvais rien faire. Le temps d'avoir 1 ou 2 jours pour vraiment m'immerger dans toute cette documentation-là dont je parlais auparavant, de commencer à avoir des idées, à réfléchir, alors que là, pendant les deux mois, j'ai pu réfléchir même en me promenant dans Québec, et Dieu sait que j'ai fait des balades dans tous les sens dans cette ville, soit sous la neige, la pluie, ou maintenant un peu le soleil. Et là-dessus aussi, il faut dire, je pense que la maison, en fait, l'appartement qui est fourni avec la résidence est dans le Vieux-Québec, donc il y a déjà des petites allures médiévales aussi. Bien sûr, je m'y retrouvais quand même aussi. En plus, cette ville comme ça, haute, perchée, c'est vraiment le principe de construction des villes et des villages au Moyen-Âge. On se met sur un monticule, sur une montagne pour pouvoir être un peu préservé des ennemis éventuels. Donc c'est vrai qu'il y a une ambiance médiévale dans cette ville aussi. Et comment ça se passe un peu justement les deux mois, la dernière fois qu'on t'a attrapé, donc tu venais de débarquer, comment ça s'est un peu articulé, donc entre, j'imagine, le travail, les rencontres, les responsabilités? Ça a été très très intense. C'est vrai que moi je vis à la campagne, je vis donc avec ma compagne, comme on disait l'autre fois, qui est coloriste avec moi, donc on travaille ensemble, on est tranquille, on a nos chats à côté, on va se faire des petites balades, on habite au milieu des vignes, dans le Bordelais, donc c'est vraiment très tranquille. Et donc là, c'est vrai que c'était un gros changement, déjà, de vivre en ville, même si, bon, les Montréalais diraient que Québec est une petite ville, mais pour moi, c'était quand même une grande ville, même si, justement, c'est tout l'intérêt aussi du Vieux-Québec, parce que je trouve qu'il y a vraiment un côté village aussi, qui est vraiment, vraiment très agréable. Et après, bon, pour l'articulation, c'est vrai que ça s'est enchaîné sans cesse, et tout a été magique, toutes les rencontres, je me suis fait une kyrielle d'amis entre les auteurs, les gens de bibliothèque, les gens à l'institut. Donc c'est que d'un côté, il y a la dimension travail, et l'autre côté, c'est qu'on multiplie les rencontres, on va un peu à la rencontre des gens, c'est les gens qui viennent à notre rencontre. Alors, dans les deux sens, ce sont surtout beaucoup les auteurs québécois qui ont maintenant l'habitude de faire des échanges, donc il y en a déjà cinq qui étaient partis, donc qui sont venus aussi m'accueillir. Je connaissais déjà un, Philippe Girard, que j'avais croisé à Bordeaux, c'était le seul que j'avais croisé de ceux qui étaient venus. Mais bon, comme ils sont tous très très méchants, ça n'a pas été trop dur en fait de se rapprocher, donc ça a été vraiment des grandes amitiés naissantes, vraiment, c'est pas des mots en l'air. Et puis, en plus, même pour le travail, enfin, là aussi, quand je travaillais pas à ma table à dessin, mais j'en ai beaucoup parlé avec tous les gens que j'ai rencontrés, que ce soit les Québécois ou alors pendant le festival de bande dessinée avec les Montréalais que j'ai rencontrés également, d'autres personnes à qui je l'ai raconté plein de fois, et donc l'air de rien, en fait, maintenant, j'ai vraiment mon projet vraiment en tête, j'arrive à l'expliquer vraiment plus sereinement et à voir où je vais. J'ai eu des retours aussi qui ont été plutôt positifs, donc là aussi c'est encourageant d'avoir des regards extérieurs. Quand on est tout seul sur son travail, c'est un peu compliqué de savoir où on en est, si ça vaut le coup ou pas, surtout que c'est quelque chose d'un peu labyrinthique, comme dirait justement un des amis là que j'ai rencontré ici. Il m'a dit, ton projet est un vrai labyrinthe, donc c'est vrai que je pourrais m'y perdre. Et en même temps, j'imagine que la dynamique est particulière dans la mesure où c'est pas des gens non plus qui habituellement, en fait, du moins jusqu'à récemment, gravitaient dans ton milieu, gravitaient dans tes connaissances BD. Donc, c'est de présenter à des gens que tu découvres le projet que toi-même t'es en train de découvrir pour avoir à froid aussi un peu leur rétroaction. Donc, ça amène une dynamique qui est particulière aussi, j'imagine, versus en discuter en vieux amis. Là, sans doute. Bien sûr. Et puis, ça a été aussi des échanges dans les deux sens. C'est-à-dire que j'ai pu aussi me donner mon avis aussi. Avec les travaux de certains amis qui travaillent, qui ont des projets en cours comme ça, donc c'est un échange continuel et qui continuera en plus. Et c'est quoi l'importance justement pour un auteur, pour un BDiste, pour un coloriste, l'importance de réseau justement comme ça, de construire, d'élargir peut-être un peu son réseau de connaissances et d'amitié? Moi en plus je fonctionne vraiment beaucoup aux avis, c'est-à-dire j'ai vraiment besoin sur mon travail d'avoir des avis régulièrement, et donc je vais utiliser justement ce réseau au fur et à mesure. Je vais pas le montrer à tout le monde dès le début, je vais m'en garder de certains côtés pour pouvoir avoir un avis justement neuf au moment où je vais retravailler après les avis qu'auraient pu me donner certains amis auparavant, et donc je vais avancer comme ça. Alors du coup, comme j'ai agrandi là mon réseau d'amis, ça va être encore d'autres regards qui vont pouvoir me nourrir, donc ça va être vraiment vraiment important. Et toujours dans le défi justement de construire un récit qui est assez complexe et qui j'ai l'impression en fait de ce que j'en ai vu, de ce que j'en entends ici à CKRL, dépasse aussi la BD habituelle, la BD traditionnelle. C'est carrément en fait dans la construction mythologique tout ça. Ben oui, je sais pas encore très bien à quoi ça va ressembler. C'est ça aussi mon problème. Je veux me baigner dans l'imaginaire. J'ai absolument pas envie d'une intrigue ou de suivre forcément un seul personnage. Je veux vraiment représenter cet imaginaire, imaginer ces gens qui vont se promener. Alors il va se passer une tonne de choses parce que c'était très très riche sur ces cartes et toutes ces aventures qu'ils racontent. Ils appellent ça des merveilles à l'époque, mais les merveilles, c'est pas dans le sens forcément merveilleux, ça peut être vraiment tragique, ça peut être du cannibalisme, ça peut être des choses tout à fait sanglantes. Je veux pas tomber non plus dans quelque chose, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on en parlait, tomber dans de l'heroic fantasy, tomber dans de l'historique vraiment à tout craint. Je veux être dans un entre-deux de tout ça, trouver ma petite cuisine à moi. Donc c'est vrai que c'est un peu long, mais j'ai bon espoir d'y arriver quand même. Exactement, il faut prendre le temps aussi, faut se donner le temps de créer, surtout quand on... En fait, il faut se donner le temps de tâtonner aussi. Et j'ai l'impression que c'est un privilège qu'on s'accorde peu aujourd'hui en création, autant qu'en général. Mais c'est compliqué, en effet, de se l'accorder, parce que financièrement parlant, simplement, c'est vrai que c'est dur. Et là, c'est une opportunité incroyable que ces échanges de résidence. Enfin, je remercierai jamais assez tout, que ce soit l'Institut canadien Québec ou le consulat, ou donc en France, Éclat Aquitaine, qui m'ont permis de venir ici, d'avoir une bourse pour m'aider aussi, donc à travailler aussi là sereinement, d'avoir donc ce logement et tout. Parce que ça amène un peu l'autre question, c'est à savoir, en fait, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une différence aussi dans la dynamique de travail, dans la dynamique de réflexion, que si tu avais pris ces deux mois-là chez toi, tu avais eu le budget pour t'enfermer dans ta cuisine ou dans ton bureau pendant deux mois, puis faire un peu la même intensité de travail sur ton projet, mais le fait d'être délocalisé, est-ce que ça vient apporter un plus, apporter une valeur? Je pense que ça apporte. Ça peut déranger un peu au début. En plus, moi qui suis, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, assez casanier, ça, j'ai mes petits repères, donc j'étais un peu perdu pendant une quinzaine de jours. Mais du coup, ça me permet aussi de prendre un regard un peu différent, de décaler un peu mon regard sur le projet, d'avoir, comme je le disais à l'instant, des regards tout neufs sur ce projet-là aussi, des rencontres, découvrir des nouveaux univers, etc. Donc c'est forcément bénéfique. J'aurais travaillé peut-être davantage sur le papier, je pense, plus de résultats si j'avais été seul chez moi avec le billet pour travailler. Mais je pense qu'il y aura une richesse qui me reviendra à un moment ou l'autre. J'en ai pas encore tout à fait conscience, mais je sais que ça me reviendra. Oui, parce qu'en même temps, c'est une résidence, c'est pas un ermitage non plus. Mais bien sûr, bien sûr. Donc sinon, on perd un peu la saveur. Bien évidemment. Et là, c'est quoi un peu qui s'en vient? Donc, tu retournes à Bordeaux, tu pars en début de semaine prochaine, je crois. Ouais. Et là, tu retombes un peu dans tes souliers de coloriste, ou tu poursuis un peu sur Mapamundi? Non, on va essayer de continuer. Là, avec Isabelle, ma compagne, on en discutait. C'est vrai qu'il faut que j'essaie de continuer un petit peu. Il se trouve qu'au niveau des travaux, parce qu'on travaille assez souvent main dans la main sur les projets. Donc là, on devrait arriver à avoir pas trop de projets là sur les prochains mois. Donc je vais pouvoir continuer et garder cette dynamique que j'ai ici, essayer d'appliquer justement et faire ressortir tout ce que j'ai emmagasiné ici. Alors ben en fait, je te laisserai, j'ai envie de Jean-Jacques Rouget de te laisser le mot de la fin, tu sais. Okay. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça en une phrase ou deux? Un grand merci à tous, vraiment. Ça a été deux mois magiques pour moi qui voyage vraiment, en fait, assez peu. Pourtant je suis en plein dans le voyage par rapport à mon projet, c'est un peu un paradoxe, mais moi qui suis pas du tout un pèlerin, j'ai été un pèlerin vraiment comblé ici, à tous les niveaux, des spectacles, des rencontres, le festival, la ville elle-même. C'était vraiment magique. Eh bien, Jean-Jacques Rouget, en fait, bien heureux d'avoir pu te croiser, en espérant évidemment te recroiser et surtout voir cet album-là. Oui, oui. Je reviendrai. Tout le monde veut que je revienne, et de toute façon, je veux absolument revenir aussi. C'est promis. Alors, on se dit à la prochaine dans ce cas-là. À la prochaine. Jean-Jacques Rouget, merci. Et donc voilà, on vient de s'entretenir avec Jean-Jacques Rouget, donc bédéiste en résidence à Québec, bédéiste bordelais, à quelques jours donc de son départ au terme donc de ce deux mois de résidence. Et on s'en va vers un petit extrait musical, Project B et la pièce Imagination. We'll be right back. Et voilà, toujours à la vie en BD sur CKRL 89.1. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Et je vous rappelle d'ailleurs, si vous voulez nous suivre sur d'autres médiums, c'est possible de le faire via Facebook, facebook.com/lavieenbd. Vous pouvez évidemment nous suivre sur ce site de socialisation. Et maintenant, cela étant dit, c'est l'heure aussi, ben, j'ai l'impression qu'on commence avec une demi-heure de bilan aujourd'hui, mais c'est un peu incontournable, le bilan de Jean-Jacques Rouget de cette résidence de 2 mois, et il le mentionnait, une résidence qui s'est entre autres intercalée à l'intérieur du Festival de la bande dessinée francophone de Québec, 26e édition. Et c'est un peu incontournable aussi d'en dresser le bilan. Alors, on a le plaisir d'être en compagnie de notre collaborateur, qui est également directeur général de l'événement, Thomas-Louis Côté. Bonjour. Bonjour. Alors, en fait, j'ai envie de te lancer d'emblée la grande question générale. Est-ce qu'on est content dans l'organisation de l'événement de comment ça s'est passé cette année? Très content pour tout le plaisir qu'on a pu avoir durant l'événement, puis le plaisir que les gens ont pu avoir aussi, mais parce que c'est un événement qui n'a pas nécessairement été très facile à organiser dans la dernière année. Il y a eu plusieurs situations qui se sont présentées et on a réussi quand même à s'en tirer avec un événement à la hauteur de celui qu'on avait fait pour la 25e édition, quitte à même rajouter des événements et des activités qui en ont fait, qui sont venus la bonifier. Donc, moi, tous les échos que j'en ai eus ont été très positifs et c'est toujours très valorisant là, d'entendre ça. Et ça a été, j'imagine, aussi un bon succès quand même d'audience, de foule. Il y avait des gens au salon déjà beaucoup. Oui, ben le salon du livre a connu cette année, je crois, une année record. Il y a eu des journées énormes, je crois, 18 000 personnes le samedi. Donc ça, c'est certain que pour nous et les activités qu'on présente là-bas, c'est toujours très intéressant. Les éditeurs et les distributeurs qui étaient avec nous dans nos espaces ont fait de très bonnes ventes. Donc, ça permettre de montrer qu'il y a encore un très grand intérêt pour la bande dessinée, voire un intérêt grandissant, parce qu'on ne s'est pas dérougi, vraiment. Et j'ai l'impression, Thomas-Louis, aussi, à chaque année, on en parle toujours un peu, et il y a cette idée grandissante, justement, de grandir, de devenir à la manière d'une pieuvre, donc d'étaler ses tentacules à travers un peu toute la ville, et à chaque année, il y a toujours un peu plus d'activités qui sortent, justement, de cet espace du salon. Oui, mais un peu comme un arbre, on rajoute un cercle à chaque année. C'est vraiment, cette année, on s'est associé, entre autres, avec le Faubourg Saint-Jean-Baptiste, qui nous a permis de faire les dessins en vitrine, qui ont reçu une très bonne visibilité, et des activités aussi à la Ninkasi, au Foubar, au Sacrilège. On avait développé une association avec Lyon BD qui s'est concrétisée à la dernière minute, donc un spectacle qu'on a monté une semaine, qui a été présenté au Musée de la Civilisation et retransmis en direct via Livestream, un lien d'ailleurs que vous pouvez encore consulter. Donc, des choses comme ça qui sont venues se greffer et bonifier la programmation qu'on avait basée un peu sur le cadre de l'an dernier, donc avec la soirée Impro BD le samedi soir qui a remporté un succès encore plus grand que l'an dernier, une soirée cosplay qui était dans le cadre de l'événement Manga qui a été très populaire aussi, donc plein de petites activités comme ça, le cercle avec les brunchs dessinés et tout, donc des activités qui sont encore là venues faire grandir l'événement. Oui, parce que c'est toujours un peu le défi aussi, j'imagine, pour les gens qui ont le réflexe d'aller au Salon du Livre et de dire, ah ben en fait si on ne regarde pas les programmations, qu'on y va simplement là-bas comme je te pousse, on remarque l'espace dans le salon puis on n'a pas le réflexe nécessairement de creuser, on se dit « Ah, c'est ça le festival de la VD », alors qu'au contraire, j'ai l'impression que si on se limite au salon, ben, on manque le trois quarts de l'événement. Là. Oui, mais ce qui arrive, c'est qu'au niveau de nos espaces au Salon du Livre, les kiosques, c'est pour la vente du livre, mais le festival, tu veux une animation de la bande dessinée. Donc, ce qu'on fait au Salon du Livre, l'espace animation, l'atelier est pour moi aussi important que l'espace vente. Ça permet vraiment de présenter les œuvres des auteurs, de mettre de l'avant leur talent et en même temps toutes les activités qu'on organise à l'extérieur, donc les expos, on avait plus d'une douzaine d'expositions et toutes les autres activités font justement animer la bande dessinée, la rendre vivante. Exactement, puis amener les gens à découvrir peut-être d'autres façons et j'ai l'impression que c'est un peu le message aussi que vous portez année après année, dire ben oui, venez découvrir donc l'espace-vente, venez découvrir les auteurs en dédicace, les activités d'animation dans l'espace du salon, mais aussi suivez-nous à l'extérieur. Vous allez à leur rencontre, mais c'est aussi les gens du salon qui doivent sortir aussi de cet espace-là pour aller à votre rencontre. Oui, puis l'idée d'être un peu partout aussi, c'est qu'on veut que les gens s'accrochent les pieds dans notre notre programmation. Je veux dire, de s'adresser uniquement aux amateurs convaincus de la bande dessinée, on va aller rejoindre un public intéressant, mais pour nous, de développer le lectorat en bande dessinée, de développer l'intérêt des gens pour leur bande dessinée, leur montrer que c'est autre chose que Tintin et Spirou, que la plupart connaissent, ben ça permet, en étant un peu partout, que les gens tombent accidentellement à la limite sur nos activités et découvrent Jeff, par exemple, à la Bibliothèque Saint-Jean-Baptiste ou d'autres expos comme ça et s'intéressent à la bande dessinée, poussent ça un peu plus loin, puis vont voir ce qu'on fait, ce que les auteurs font là, sur Internet. Et est-ce qu'on a l'impression que ça marche justement de plus en plus dans les rétroactions qu'on a ou dans les pointages qu'on peut faire, par exemple, autour d'expositions, de trucs dans lesquels on sort un peu justement de nos sentiers habituels ou des sentiers des connaisseurs? Oui, mais je te dirais que j'ai démonté cet après-midi la dernière exposition, donc j'ai pas eu encore les chiffres d'achalandage. Cela dit, on a organisé une activité comme l'anniversaire de Spirou dimanche dernier, qui était hors cadre de notre programmation, et on a quand même eu près de 150 personnes qui sont venues faire un tour manger un morceau de gâteau. Et les médias nous ont suivis beaucoup aussi cette année, comparativement à d'autres années. Donc, on voit qu'il y a un intérêt grandissant, puis je trouve que le fait qu'on est capable de renouveler notre programmation à chaque année avec des nouvelles activités, des nouvelles choses, comme par exemple le dessin en vitrine, qui a eu une super réception, et on s'attendait pas nécessairement à ce que ça ait cet impact-là, ben de trouver des choses comme ça à chaque année font qu'on va vraiment réussir à se développer. Là. Exactement, c'est toujours un peu de trouver l'équilibre entre les éléments qu'on garde parce qu'ils ont bien marché et les nouveaux éléments qu'on teste pour voir si on va les ramener par après. On en avait parlé notamment quand on présentait la programmation, l'idée du conte mis en musique, mais c'était une expérience dans le fond que vous lancez, que vous proposiez aux gens. Oui, et donc le conte de Julie Delporte, Je suis un raton laveur, qui a été mis en musique par un des musiciens de la Ligue d'impro BD, entre autres, et son comparse, ça a vraiment, vraiment marché. Les jeunes sont venus dessiner avec Julie, c'était projeté sur les écrans pendant que le conte était aussi projeté sur les écrans, puisqu'il y a trois écrans au cercle et les musiciens jouaient en direct. Ben ça a quand même eu un très bon succès. Les jeunes ont embarqué, les gens au cercle ont resté très captivés par justement la musique et l'atmosphère que ça a créé. Fait que c'est des genres de choses qu'on va refaire effectivement. On va même développer pour l'an prochain, peut-être autrement, plus grandiose. Hein. Oui, parce que j'imagine c'est un peu le défi aussi de se dire, ben ok, bon, il y a un événement qui a bien marché, ça fait 2 ans, 3 ans qu'on le propose, est-ce qu'on l'enlève au risque de pas réussir à le remplacer par quelque chose de mieux, ou est-ce qu'on le garde en risquant peut-être d'avoir un peu de redite? Donc c'est quand même un dosage qu'on fait dans les bilans aussi. Oui, ben je pense que c'est important de créer des traditions. Par exemple, la soirée d'impro BD où on a eu près de 300 personnes le samedi soir, il y a des gens qu'on ne voit pas nécessairement à l'année durant les présentations de la Ligue d'impro BD, mais qui attendait la présentation du festival. J'ai l'impression que ça va être la même chose l'an prochain et c'est une formule gagnante. Donc, oui, on va pouvoir en faire des ajouts, modifier certaines choses, mais de créer la tradition pour répondre aux attentes des gens, je pense que c'est quand même nécessaire. Là. C'est de garder des repères et de se dire de bien choisir les repères qu'on offre aussi aux gens, dans le fond. Oui, et d'en offrir toujours plus. Donc, si des activités comme l'activité qu'on a présentée le samedi après-midi au Musée de la Civilisation, qui était le spectacle en direct avec Lyon, de voir comment l'an prochain, on pourra le bonifier, l'améliorer pour en faire une formule, justement, que les gens vont attendre d'année en année, et quitte à développer pour aller ailleurs, dans de plus grandes salles et tout, joindre un volet musique plus important. On est capable de jouer avec les formules, c'est de créer les rendez-vous habituels, je pense. Et donc, c'est un peu l'exercice, dans le fond, que vous allez faire en comité avec le conseil d'administration, avec les ressources du festival, de dresser, j'imagine, ce bilan-là au fil de l'été, avant de se relancer dans la programmation? Oui, ben je te dirais qu'on est déjà en train de se relancer tranquillement dans la programmation, donc des choses qui sont déjà sur le rond. Mais oui, on va faire un post-mortem très bientôt de l'événement pour voir qu'est-ce qu'on conserve justement, comment on développe. Et je vous dirais que le choix de l'affiche, des gens qui font l'affiche est déjà fait pour l'an prochain. Donc, il y a déjà des auteurs d'invités. Vous le saurez cet été. Ah, même pas de scoop ici. Non. Ah, mais c'est une affiche au féminin. Oh. Et justement, ce que j'allais te demander aussi, en terminant, pour se figurer un peu dans l'horaire, donc tu viens de nous le dire, vous êtes déjà un peu dans la reprogrammation, un peu en même temps que les bilans, on commence déjà à travailler sur l'édition de l'année prochaine. Et combien de temps on doit se prendre à l'avance aussi pour inviter les gros auteurs BD? Bon, on pense à des Trondheim, par exemple, Guy Delisle, il y a quelques années pour La Résidence, ouais. Vous avez eu plusieurs noms, Charlie Adler et d'autres. Comment de temps à l'avance d'avance on se prépare un peu à les convier, à les inviter? Ça peut être de plus d'un an à un mois d'avance. Ça dépend vraiment des situations et des opportunités qui se présentent à nous. Des fois, on a des auteurs qui se proposent d'eux-mêmes, puis on essaie de travailler avec ça. Des fois, il y a des auteurs qu'on travaille de plus longue date. Là. Des auteurs comme Charlie Adler, par exemple, se préparent longtemps d'avance, là, mais ça vaut la peine. Et Thomas-Louis Côté, avant de te laisser, on met de côté un peu le bilan du festival, évidemment, à travers des activités bon, comme la Ligue d'impro BD et d'autres mesures comme ça. Le festival continue aussi d'exister en dehors des dates de l'événement. L'année dernière, il y avait une résidence avec Guy Delisle. Est-ce que c'est une expérience qu'on compte réitérer pour cette année, qu'on espère réitérer cette année? On espère plus, on la réitère. Donc oui, c'est une résidence qu'on avait mis en place. On a fait le test en fin de compte l'an dernier avec Guy Delisle. Ça a très bien fonctionné. Le mois de juillet était très propice à recevoir un auteur pour un mois pour venir découvrir la ville et aussi faire des croquis. Cette année, on aura un auteur qui s'appelle Mathieu Sapin. Donc un auteur que vous connaissez sûrement et qui sera à Québec durant tout le mois de juillet. Donc j'espère que vous aurez l'occasion de venir le découvrir parce qu'on organisera des activités avec lui lors de sa venue en juillet. Et puis sinon, il y a aussi deux auteurs qui devaient venir au festival cette année, donc Marzena Sowa puis Sylvain Savoya, qui ont dû annuler à la dernière minute vraiment là, pour venir au festival. Donc qui eux seront des nôtres en septembre prochain. Donc on va travailler avec eux pour monter une programmation d'activités à ce moment-là. Donc ça fait quand même des activités à l'année et des invités qu'on va recevoir à différents moments. Alors on met ça donc dans nos besaces. Mathieu Sapin donc en juillet, Marzena Sowa et Sylvain Savoya en septembre et tous en route vers le festival l'année prochaine et plusieurs autres activités. Thomas-Louis Côté, on se dit à très bientôt. À très bientôt, Rémi. Ah ben voilà, donc c'était Thomas-Louis Côté, directeur général donc du Festival de la bande dessinée francophone de Québec. On prend une courte pause et au retour, on jase avec Fabien Dreuil. L'événement Québec Danse à Québec revient en force pour sa deuxième édition qui sera présentée du 22 au 29 avril. Une trentaine d'activités presque toutes gratuites, prenant la forme de spectacles, de démonstrations ou encore de classes d'initiation, seront offertes en divers lieux de la ville. Le Musée national des beaux-arts du Québec, le Musée de la civilisation, le parvis de l'église Saint-Roch, Méduse, diverses écoles de danse et même les traversiers Lévis-Québec seront les lieux privilégiés par les artistes, chorégraphes, compagnies, troupes et écoles. Consultez la programmation complète de l'événement sur le site du Conseil de la culture au culture-québec.qc.ca/Québec Danse. Vous avez le goût de faire de la radio, de partager vos connaissances et découvertes musicales avec nos auditeurs? C'est maintenant le temps de soumettre vos projets pour la saison d'été 2013. Rendez-vous sur ckrl.qc.ca dans la section « Proposer une émission » et remplissez le formulaire en ligne. Vous avez jusqu'au 12 mai. Bonjour, ici Pierre Vanchanfou. Vous vous demandez qui je suis? Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que je fais. Ce que je fais? De courtes capsules folles et frivoles qui servent à agrémenter cette sympathique émission matinale qui s'intitule « Les matins éphémères ». Je vous invite donc à déraper avec moi du lundi au vendredi, quelque part entre 7 et 9 heures, à CKRL, moitié velours, moitié dentelle. Tout juste avant 100% dynamite, le week-end s'amorce de belle façon dès 18h30 les vendredis avec Jean-Sébastien Grondin et son émission Soul Finger. Ça groove à CKRL 89.1. Pour débuter votre soirée du vendredi à CKRL, dès 18h30, Jean-Sébastien Grondin vous offre de la musique soul et R&B à l'émission Soul Finger. À 19h, Jean-Baptiste Duvignaud et Goulvendi vous font tourner du funk d'hier à aujourd'hui. À 20h, pour la 20e saison, Michel Dubois présente l'émission Rue d'Auteuil, du blues mur à mur. Restez branchés. 89.1. CKRL. Les gens autour de moi comprennent pas, comment j'ai pu arriver à chausser ça. À Québec. Toujours sur les ondes du 89.1, l'émission La vie en BD se poursuit. Et je vous rappelle d'ailleurs, si jamais vous voulez réécouter les émissions ou aller jouer un peu dans nos balados diffusion, eh ben c'est possible de le faire via le blog de l'émission, ben donc lavieenbd.wordpress.com. Et sporadiquement, je me donne également des petits commentaires et autres éléments sur mon blog personnel que je vous mentionne à l'instant, donc voir.ca/Raymond-Poirier. Alors cela étant dit, il y a quelques temps, en fait, on a mis la main et on vous en a parlé déjà un peu d'ailleurs dans un contexte critique. J'ai eu le temps de lire depuis aussi et d'apprécier très fortement cet album-là qui nous est offert chez Glénat, qui s'appelle Nevada. Donc première partie, un scénario donc de Fabien Dreuil et Xavier Hardy avec Simon Leclerc au dessin. Et donc je suis bien content d'être en compagnie au bout du fil d'un de ses scénaristes, donc Fabien Dreuil. Bonjour. Oui, bonjour. Alors Nevada, donc un album qu'on présente un peu d'ailleurs comme un western contemporain. Qu'est-ce qui vous a amené peut-être vers cette piste-là, vers ce genre visuel-là et narratif-là? Oui, alors bien, déjà, ce qui m'a amené à ça, c'est d'abord j'avais écrit plusieurs autres scénarios dans des styles totalement différents, toujours en compagnie de Xavier Hardy. Et puis d'un coup, comme ça, on s'est dit, un vieux rêve d'enfance, on a envie de faire un western, un vrai western avec tous les codes du western. Et là, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on le fait au 19e siècle, ou est-ce qu'on le fait avec, comme un peu dans les grands classiques de la bande dessinée ou du cinéma, ou est-ce qu'on va le faire d'une manière moderne? Et puis en fait, on s'est dit, tiens, on va le faire d'une manière moderne et contemporaine. Et à travers donc cette histoire-là, on retrouve un peu un des incontournables du genre western, justement cette histoire un peu d'un outsider qui se retrouve dans un village en plein cœur d'un conflit entre deux clans, entre deux entités antagonistes. Là. Tout à fait, c'est exactement ça. Alors au début, on se rend compte que quand on lit l'album au début, on se rend compte que Marvin Gaye, justement, une sorte de cavalier de type solitaire comme ça, a une bonne raison d'aller dans cette ville-là, Nevada City. Mais à la base, oui, dans cette ville, on sent qu'il y a un conflit, et un conflit qui va dégénérer. Tout à fait. Et l'histoire, d'ailleurs, en fait, c'est vraiment bâti comme un crescendo. On établit les choses et tranquillement, on grimpe, et au terme du tome, on sent qu'au deuxième, ça va exploser, ça n'a pas le choix d'exploser. Là. Exact. Bien vu. Oui, c'est. Je dirais moi j'aime bien. On a deux albums pour le faire, donc on a la moitié de l'histoire dans le premier, et je dirais bon, pour employer une expression qui est un peu spéciale, on dresse le couvert, on présente ce qui se passe, on montre tout ce qui pourrait arriver. Évidemment, c'est de l'inconditionnel parce que je peux rien révéler, mais il est clair que là, dans la seconde partie, j'aime bien l'expression tout va exploser. C'est un peu le cas. Oui, parce que j'avais l'impression, moi je le percevais beaucoup un peu comme un puzzle, en fait. La première partie, on met des pièces, mais on voit pas encore le dessin intégral. Tout à fait. C'est un puzzle facile à lire, mais en même temps qui est bourré de surprises. Donc l'idée, c'est une sorte d'accessibilité quand même, de compréhension, de pas avoir installé un puzzle trop complexe pour après se perdre, et surtout pour que les lecteurs et tous les gens qui le liront, évidemment, se perdent et se disent, tiens, c'est trop compliqué. Non, on a fait simple, mais il y a beaucoup de pièces de puzzle qui sont évidemment pas réunies dans le premier album, parce qu'on veut laisser une sorte de cliffhanger, de suspense à le temps, et oui, c'est ça, exactement. Oui. Mais il faut quand même aussi, Fabien Dreuil, j'imagine, doser, je dirais pas les révélations, mais les éléments, parce que d'un autre côté, si le lecteur se retrouve un peu perdu là-dedans et a l'impression qu'on est trop dans le prochain tome, ben il va peut-être aussi perdre l'intérêt. Dans Nevada, vous réussissez, à mon sens, à faire ce dosage-là aussi. Oui, ben merci. Je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Oui, je vous remercie. Oui, j'ai essayé de doser, en fait. Surtout quand on a travaillé avec Simon Leclerc, le dessinateur, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on donne assez d'informations? Le but, c'est d'en donner beaucoup. Si vous lisez l'album, évidemment, je pense, j'espère, parce que c'est jamais évident de défendre quand on écrit comme ça, et surtout à la moitié de l'histoire, dans le suspense, mais on a quand même essayé d'apporter un maximum d'informations. Je dirais que c'est un jeu de pistes ludique. Et en même temps, ce qui est agréable aussi dans le 48 planches, dans le fond, que vous avez avec Nevada Thomas, c'est l'ambiance que vous réussissez à créer aussi. Parce qu'au-delà du côté narratif, on plonge un peu dans la réalité, dans la temporalité de ce village-là. Merci. Oui, c'était d'inventer un village, une ville. Bon, on peut l'appeler village parce que c'est une petite ville, en fait. Hein. Mais c'est une ville qui est pas très caractéristique réellement de toutes les villes qu'on peut trouver, mais en même temps qui les englobe toutes. Donc c'est quand même une ville qui a été inventée, parce que vu comment ça pourrait se passer par la suite, on n'a pas voulu prendre un lieu connu, un endroit clair et défini. On a voulu prendre une sorte de synthèse, un petit peu, une vision autochtone, presque je dirais, parce que on n'est pas des gens du Nevada, mais on s'est situé justement dans ce contexte et dans ce décor, pour créer justement cette ambiance qui fait référence à toutes nos lectures d'enfance et à tous nos visionnements de films, ainsi qu'aux lectures de bandes dessinées. Et parallèlement dans le récit, on a mentionné justement Marvin Gaye, donc c'est cet élément étranger, ce cowboy solitaire qui arrive dans cette petite ville. Mais parallèlement, vous accordez aussi beaucoup d'attention au personnage de Yuri, donc une adolescente, avec son récit aussi et son histoire de son côté qui a presque autant d'attention en termes de temps narratif que celle de Marvin. Pourquoi avoir choisi un peu d'y aller avec cet équilibre-là et ces deux personnages-là? Parce que c'est lié. Parce que le destin de ces deux, de cette jeune fille de 15 ans qui se sent exclue, qui est d'origine japonaise, et ça je pourrais malheureusement pas vous parler encore de ses origines exactes, parce qu'il faut préserver le suspense, et l'histoire donc de cette fille de 15 ans qui est mal à l'aise dans cette ville, on la sent pas là et tout, et on va l'expliquer plus tard pourquoi, et totalement en fait lié avec le destin de Marvin Gaye. Mm-hmm. Mais ça, on ne peut pas l'expliquer dans premier tome. Mais il fallait le mettre en équilibre d'emblée. Ah oui. Ah oui, c'est clair. Tout à fait, oui. C'est vraiment entre eux deux. D'ailleurs, comme la couverture du livre, on le voit, ça a été un choix que nous avons fait entre auteurs. On a beaucoup insisté là-dessus pour montrer que cette histoire n'est pas que leur histoire à tous les deux, évidemment, mais qu'en fait, l'histoire en général les lie tous les deux, les réunit. Et en même temps, à chacun aussi doivent composer avec des situations qui sont pas nécessairement faciles. Et chez l'adolescente, on tombe un peu dans des dynamiques liées à l'intimidation, par exemple, au sentiment, au désir de vengeance, mais un désir de vengeance qui est justement celui d'un adolescent versus le désir peut-être un peu plus rangé de Marvin. Oui, tout à fait. Le Marvin, moi je dirais qu'on est plutôt dans un principe, une sorte de personnage qui est dans la rédemption. Mmh. On sent, vous comprenez bien que je dois parler un petit peu au conditionnel. Ben oui. On sent que l'homme, il est là pour une raison. Il a une raison précise d'être là. Mais la surprise, justement, ça va être de tomber sur cette petite fille à laquelle c'est une surprise à laquelle il s'attendait pas du tout. Et ça, on le dévoilera un peu plus tard. Et elle s'attendait pas du tout non plus à tomber sur un personnage qui débarque dans sa ville où son père adoptif, Sam Meredith, a un énorme conflit envers le grand Manitou, Joseph Jenkins de la ville. Et on se dit, voilà, cette fille, bon, elle vit comme ça dans cette petite famille recluse. Mmh. Ils sont mis de côté dans cette société. Pourquoi? Ça, on l'apprendra plus tard. Mais on donne déjà pas mal d'informations. Et puis, elle s'ennuie. Pour parler poliment, Yuri, elle est là, elle est exclue dans son lycée, elle est un petit peu harcelée, et puis elle s'ennuie, elle est toute seule comme ça, elle va dans un coin quand même boire sa bière, toute seule à cet âge-là, c'est pas très bien tout ça. Et donc on se dit, tiens, elle souffre quand même d'un profond malaise, et quel est ce malaise? Et puis d'un coup, il y a ce gros mastodonte, ce colosse qui débarque, qui la regarde, qui la séduit aussi un petit peu, il y a un jeu de séduction, sauf que qui ne vient pas de lui, évidemment, mais elle, avec son regard d'adolescent, et cette situation difficile qu'elle vit et qu'on va apprendre au fur et à mesure de l'album, on se rend compte qu'elle s'entiche un petit peu de ce gros gaillard, et c'est une énorme surprise pour elle quand il débarque comme ça dans cette ville où il semblerait qu'au quotidien tout soit normal. Mmh. Sauf cette histoire d'explosion qui s'est passée et la goutte qui a fait déborder le vase. Et parallèlement aussi, je tiens à le mentionner parce que j'ai trouvé que c'était intéressant, surtout en lien avec le genre de héros qu'on retrouve souvent dans ce type de récit-là au niveau cinématographique dans les dernières années, où on va un peu trop, à mon avis, vers les tanks invincibles. Et dans ce cas-ci, Marvin, oui, c'est un tank, mais vous ne nous le présentez pas dans Nevada comme un tank invincible, justement. Oui, exact. C'est un personnage qui est fort physiquement, qui a un passé d'homme dur, d'homme fort, parce qu'il était colonel dans les bérets verts. C'est un type, moi je dirais, avec des mots plutôt durs, comme on essaie de les employer aussi de temps en temps dans la bande dessinée. C'est quelqu'un qui a du vécu, qui a vu des choses que la plupart d'entre nous n'auront pas vu de leur vivant, mais c'est aussi un type qui est extrêmement fragile. Et ça, justement, ce qui est intéressant, moi j'aime pas les... Bon, je vais pas dire que j'aime pas les super-héros, loin de là, mais c'est, ça va pas être ma façon de décrire un personnage comme ça en tant que super-héros. L'homme est aussi fort que fragile, et c'est ce que je pense, ben merci de me le dire, ce qui est assez intéressant dans le personnage, parce que il boit, il n'est pas bien, on le sent inconfortable, on le sent mal à l'aise, et on va justement au fur et à mesure découvrir toute cette force qu'il a en lui, va peut-être au fur et à mesure s'étioler tout doucement. Ça reste un être humain. Et côté travail, vous l'avez mentionné, Fabien Dreuil, au départ, donc ce scénario écrit à quatre mains avec Xavier Hardy. Oui. Et ensuite, je crois que c'est Glénat qui vous a dirigé vers Simon Leclerc pour le dessin. Oui, tout à fait. L'éditeur de Glénat Québec, Laurent Garcia, à l'époque où nous, je présentais beaucoup de scénarios, nous a dit, tiens, voilà, il y a 3 ans de ça déjà, j'ai un jeune dessinateur qui a préparé le concours qu'organise tous les ans de Glénat Québec, j'ai pas le mot exact, un collectif, voilà, j'ai retrouvé. Et bon, Simon n'avait pas été pris dans ce collectif, mais l'éditeur Laurent Garcia nous avait montré son travail. Et moi j'ai eu un coup de foudre, Xavier aussi. On s'est dit, tiens, en 2 planches, 2 pages qu'il avait réalisées et quelques croquis, ce jeune homme a un potentiel inouï, selon nous, hein, évidemment. Oui, en fait, il a fait l'album, il avait seulement 19 ans, quoi. Il avait 19 ans quand on a commencé à décrire les personnages, à commencer à lui dire, voilà, il va y avoir beaucoup de personnages dans Nevada, et chaque personnage va avoir une grande importance. Donc, les seconds rôles, les troisièmes rôles, il va falloir les mettre en premier rôle. Alors, c'était au début une montagne pour quelqu'un, pour un jeune homme qui n'avait jamais fait plus de 2 pages, mais qui avait déjà un talent incroyable, parce qu'il était à l'école du vieux cégep de Montréal. Il avait un énorme talent déjà en dessin animé et en graphisme. Et puis là, il est rentré dans l'histoire. L'histoire lui a plu, parce qu'il faut aussi convaincre. On n'est pas au-dessus de lui. On a essayé de le convaincre avec notre histoire. Et Simon a adhéré immédiatement. Et là, on a commencé le très très long chemin de la recherche des personnages. On a fouillé les personnages. On a remanié le scénario plusieurs fois. On a enlevé des personnages, on en a rajouté, et on se retrouve à ce qui dessine ce jeune homme, 21 personnages différents, et qui sont tous des acteurs de la bande dessinée. Et on a eu une énorme surprise quand on a vu comment il a réalisé sur 2 ans, il a fait cet album, c'est franchement assez incroyable. Oui, j'ai l'impression, en fait, au niveau de ses choix, quant au type de matériel utilisé, bon, on sent le trait, il y a des aplats noirs aussi là-dedans, oui. J'ai l'impression que ça vient apporter à l'ambiance aussi. Oui, tout à fait. Alors ça, au niveau de l'ambiance, il y a le dessin de Simon et son ancrage. Au début, moi, je l'avais pas vu beaucoup ancrer les planches. Et puis, il s'est mis à dessiner de manière traditionnelle, sur du papier, avec un crayon, chose de plus en plus rare aujourd'hui. Et après, il s'est mis à ancrer. Et là, on a été énormément surpris par sa progression au niveau de l'ancrage. Et bien sûr, on avait, en même temps que nous avons choisi Simon, on avait engagé Anouk Perrusbel, la coloriste, qui nous a fait un boulot, pour nous, phénoménal, et qui a justement réussi à comprendre le travail de Simon et à le sublimer. Et tout ça, en route vers la création, on l'a mentionné, d'un diptyque. Donc, est-ce qu'on a déjà, j'imagine côté rédaction, c'est déjà bien entamé. Donc, où on en est et vers quand, à peu près, combien de temps on doit attendre pour avoir la suite, justement? Ah, c'est une grande question. c'est une bonne question. Alors déjà, oui, la suite est pensée, écrite, dans ses grandes largeurs. Ensuite, on se réserve le droit, une fois qu'on écrit, de modifier, de changer, d'améliorer. Et d'écouter aussi ce qu'ont à nous dire les gens, ça c'est très très important, vu que tout n'a pas été défini, et que les 48 autres planches ne sont pas dessinées. Enfin, ces 46 et 48 pages, elles ne sont pas encore dessinées. Donc, pour répondre à votre question, pour suivre ce que vous me dites, on n'a pas encore eu le feu vert pour faire le numéro 2, on attend de voir ce que va donner le numéro 1, justement, ce qui est malheureusement, je le dis bien, mais vraiment malheureusement, le grand principe éditorial en bande dessinée en ce moment, partout en Europe, comme au Québec. Alors, on croise les doigts, et d'ici là, on découvre ce premier album, qui s'appelle Nevada. Donc, c'est scénarisé par Xavier Hardy et Fabien Dreuil, oui. Dessiné par Simon Leclerc. Fabien Dreuil, merci. Je vous remercie beaucoup. Et au plaisir. Mais bien sûr, au plaisir, merci beaucoup. Alors voilà, et Nevada, je le rappelle, c'est chez Glénat Québec. On part avec un autre petit extrait musical, cette fois-ci toujours de B-Project, la pièce Imagination. Et voilà donc, extrait qui s'appelle Inspiration, la formation B Project, donc notre sélection musicale pour cette semaine. Et ben là-dessus, on se dirige maintenant vers la dernière ligne droite de l'émission et pour la marcher, pour la cheminer avec nous, et ben on a le plaisir d'être en compagnie d'Anne-Marie Olivier. Bonjour. Bonjour Raymond. Ça va bien? Oui. Et Anne-Marie, évidemment, de passage pour nous proposer, nous commenter quelques récentes sorties BD. Et notamment, on commence avec un premier titre, La bande de Yaya Intégrale 2. Oui, c'est la balade, en fait. Ah, la balade, mon Dieu. Pas de problème. Donc, c'est les tomes 4, 5 et 6, en fait, qui sont regroupés dans cette intégrale-là. Donc, pour faire un résumé rapide, en fait, c'est qu'on est en 1937 en Chine. Les Japonais vont entrer à Shanghai et vont pousser à l'exode, donc, des milliers de Chinois d'occidentaux. Et au travers de ça, on va faire la rencontre de deux enfants, donc Yaya, cette petite fille, et un petit garçon qui s'appelle Tuduo, qui est un enfant des rues, donc un orphelin qui est un peu sous la coupe d'un espèce de racket là, d'enfants qui sont utilisés pour faire des pillages et faire de l'argent sur leur dos. Donc, c'est une série qui est vraiment magnifique. Honnêtement, moi, j'ai pogné de quoi en la lisant. On retrouve un dessin aux couleurs vraiment magnifiques. C'est très aérien, très poétique comme ambiance. C'est un scénario aussi qui est très solide, qui nous amène dans un monde assez loin du nôtre, puis on suit avec beaucoup d'avidité, je dois dire, les aventures de ces deux enfants-là, dont la mission est vraiment parsemée d'embûches. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve, en tout cas, moi, j'ai trouvé, c'est mon opinion personnelle, mais on se retrouve un peu beaucoup dans l'ambiance des dessins animés des années 80, qui provenaient, donc, du Japon. Alors, un peu comme Rémi sans famille ou Hachi, le petit prince orphelin, tous ces dessins animés dont les enfants avaient des destins tragiques où on les voyait souvent pleurer, en fait. Et donc, ces enfants luttent pour leur survie, ils peuvent pas faire confiance à personne. Chaque fin d'épisode finit mal. On est dans des Oliver Twist, dans des David Copperfield aussi. Donc, ça, les enfants de Dickens, donc, les enfants de... Donc, la méthode a fait ses preuves. Oui. Puis, ça nous tient vraiment en haleine. Là, fait qu'on veut vraiment savoir ce qui arrive. Puis, c'est une série qui m'est allée vraiment droit au cœur. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Ça, on tombe pas dans le pathétisme. Dans le fond, non. On reste dans le vrai, dans le fond. Exactement, puis même si c'est un peu irréaliste, en fait, n'en reste pas moins qu'on s'attache vraiment à ces deux enfants-là, puis les aventures sont haletantes, on est dans un contexte de guerre aussi, puis c'est vraiment pas quétaine ou nunuche, là, donc très intéressant là, pour les adultes qu'on est. Et évidemment, c'est ces genres de trucs, on parle d'intégrale, donc tu disais c'est le milieu, donc faut retourner vers le premier si on décide de se lancer. Oui, idéalement, faut les lire dans l'ordre, parce que sinon, bon, c'est un peu mélangeant, mais c'est ça, les intégrales sont très intéressantes parce que ben ça revient moins cher premièrement, puis on a vraiment l'histoire complète parce que je vous dirais que les volumes en tombes séparées sont assez minces, donc on reste sur notre faim, là, donc avec l'intégrale, ben on en mange plus la chute. Alors ça c'est de Jean-Michel Aumont et Golo Zao. Oui. C'est chez Fay. Ça s'appelle La balade de Yaya, donc deuxième intégrale, mais de ce que j'en comprends, fait tu nous dis ben, allez lire la série, point. Oui. Tout à fait. Et on passe à un autre titre, et j'ai l'impression aussi, Anne-Marie Olivier, qu'on va passer dans un autre style aussi de BD avec Brune Platine. Ça, c'est chez KSTR, c'est de oui. Lisa Mendel et Marion Mousse. Oui, c'est une très récente nouveauté, donc c'est arrivé hier en librairie. Alors, pour faire un résumé, on parle de Claire, qui est une jeune femme un peu mystérieuse, qui a une cicatrice sur le cou, et elle vient de se réouvrir après plusieurs années. Elle met ça sur un peu sur le compte de son père, qui est disparu plusieurs années auparavant, et donc, elle va faire appel à l'agence Brune Platine, qui est une agence de détectives privés, où ce sont deux femmes qui tiennent ça, deux femmes pleines de ressources, vous pouvez vous en douter. et c'est écrit justement par deux femmes aussi, donc ouais. On reste dans un terrain, on joue un peu dans ce type de sensibilité-là, dans le fond. Oui, c'est ça, ben on reste dans les thèmes que Lisa Mendel privilégie là, souvent, donc le polar, l'humour noir, l'amour lesbien aussi, elle joue beaucoup avec ces thèmes-là, donc on n'est pas dépaysés, ceux qui connaissent l'œuvre de Lisa Mendel là, vont s'y retrouver. Donc c'est vraiment un polar à l'humour décalé. Moi, c'est une BD qui m'a apporté de grandes joies et de grandes déceptions. Je vous explique pourquoi. Parce que, bon, ça commence assez humoristique, puis de plus en plus, le tour devient de plus en plus noir, jusqu'au carrément sordide, en fait. On voit dès le début venir quand même le drame, mais justement, c'est là que le bas blesse, comme on dit. C'est que la finale est très brutale, sans appel, en fait, puis on sait pas trop si c'est un one-shot ou s'il va y avoir un tome 2, parce que ce n'est pas dit dans le livre. J'ai fait des recherches aujourd'hui, j'ai été fouillée carrément chez l'éditeur, chez KSTR. On semble écrire que c'est un tome 1, donc on peut supposer un tome 2. Donc, s'il y a un tome 2, je vous dirais que c'est une très, très bonne BD qui tient en haleine, justement, puis qu'il y a un scénario qui est vraiment très bien ficelé. Et si c'est juste un one-shot, ben c'est là que c'est un peu décevant, parce que, justement, on tourne les pages de plus en plus vite parce qu'on veut savoir ce qui arrive. Le sort de cette pauvre Claire, bon, nous tient en haleine. Et puis là, finalement, paf, ça finit. Je vous dis pas comment, mais bon, de manière assez intense. Oui, c'est toujours un peu le défi, en fait. Quand on s'attaque à un tome 1, sachant justement les affres de l'édition, c'est pas toujours garanti que le tome 2 va venir non plus. Donc, on se lance, puis après ça, bon, on a le cœur un peu brisé parce qu'on n'aura jamais la fin de l'histoire. Ce qui amène d'ailleurs certains lecteurs, malheureusement, à prendre ce petit recul-là, puis à attendre pour être certain qu'il y a un deuxième tome. Des fois, bon, ça fait qu'il n'y a pas de deuxième tome parce que c'est une roue qui tourne. Oui, tout à fait. Puis on comprend le lecteur, la frustration aussi, parce que moi, je l'ai lu, puis j'ai ressenti cette frustration-là parce que j'aimais beaucoup la bande dessinée. Et là, ça finit un peu brusquement. Donc, si jamais il y a un tome 2, ben je vous la recommande allègrement parce que le dessin est très beau, une espèce de ligne claire quand même, avec des couleurs assez décalées. C'est vraiment, vraiment trippant. Puis, sinon, ben c'est sûr que c'est une fin qui laisse sur sa fin. Oui, dans le fond, on profite du moment, on profite de l'histoire, du dessin, du trait de l'univers que les auteurs nous proposent, en sachant que il va peut-être avoir une petite insatisfaction, mais l'autre question que je te demanderais, c'est est-ce qu'on se lance quand même, est-ce que tu dis aux gens, mais plongez peut-être quand même, sachant que vous allez peut-être faire un flat à la fin, mais la descente est bonne. J'aurais tendance à dire oui, parce que moi j'aime beaucoup Lisa Mandel comme scénariste. J'ai lu pas mal tous ses livres, j'aime beaucoup qu'est-ce qu'elle fait. Donc, je veux dire, avant d'arriver à la fin, l'histoire est très bonne. Il y a beaucoup de rythme dans l'histoire. Le polar est bien monté. Bon, même si on peut sentir le drame venir, on ne sait pas c'est quoi. Et les deux personnages sont assez attachants parce qu'on tient deux filles détectives, une qui est plutôt portée sur la débauche et petite brunette un peu maigrichonne, et l'autre une femme un peu sur leur tour d'âge, blonde, platine, d'où vient le nom, très pulpeuse. Donc c'est un tandem assez disparate, c'est très intéressant. Alors ça s'appelle Brune Platine, voilà. Donc de Lisa Mandel et Marion Mousse, c'est chez KSTR. Anne-Marie Olivier, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, voilà les commentaires BD d'Anne-Marie pour cette semaine. Parenthèse, d'ailleurs, vous la trouverez avec l'équipe de Philactère, entre autres, du côté du Nadechicon, qui a lieu cette fin de semaine à l'Université Laval, pavillon Alphonse Desjardins, un événement qui est consacré au manga et à l'univers qui l'entoure, animé, cosplay, etc., etc., et à l'univers asiatique et japonais également. Et sinon, ben nous, on se dit à la semaine prochaine notamment avec Simon Bossé, avec Bruno Rouillère. Simon Bossé, donc, pour Tête de Mickey, Bruno Rouillard pour Charlebois et Lost It Gang, et plusieurs autres invités. Alors, c'est un rendez-vous. C'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous au 89.1 cette semaine.